إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 18 dans l'explication de Masail, Sharh Masail al-Jahiliya. Et le titre du point qu'on commence à expliquer aujourd'hui, qui est le point 40, Al-Mas'alatul Arba'un, Juhud al-Rabb subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la négation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la négation de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit au sujet de ce point, التعطيل كقول آل فرعون. التعطيل كقول آل فرعون. Et le Cheikh Fawzan, il explique. Donc on va lire tout de suite l'explication du Cheikh Fawzan, comme ça, on va expliquer التعطيل et tout ce que ça signifie et tout ce qui a rapport avec ce point-là. التعطيل في الأصل إخلاء الشيء. يقال عطل المكان إذا أخلاه ويقال امرأة عاطل. يعني خالية من الحلي فالتعطيل هو إخلاء الشيء عن غيره والمراد به هنا إخلاء الكون عن خالقه ونفي أن يكون هناك خالق لهذا الكون وإنما وجد نتيجة أو وإنما وجد نتيجة الطبيعة كما يقولون وإمام المعطلة هو فرعون حيث يقول يا أيها الملأ يا أيها الملأ ما عملت لكم ما علمت لكم من إله غيري ولكن هذا من باب المكابرة والعناد وفي الآية الأخرى يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين هذا هو التعطيل. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique qu'est-ce qu'il veut dire le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il mentionne le point de التعطيل. التعطيل, si on veut, c'est en fait, comme on l'a expliqué hier, ça a un lien avec le fait de nier Allah subhanahu wa ta'ala et son existence. Et dans la langue arabe, à la base, le mot ta'atil, ça signifie de vider quelque chose, d'enlever quelque chose. Donc, on dit un endroit qui est apal, hein, ça veut dire qu'il est vide, il n'y a plus rien dedans, on l'a vidé. Ou bien quelque chose qui est plus utilisé, parfois, des fois, on retrouve dans les livres, les ulama, ils expliquent le terme ta'atil en donnant l'exemple d'un puits qui n'est pas utilisé, on dit « bi'run mu'abtal ». Et il parle également, il donne un autre exemple, « imra'atun a'til », une femme qui est a'til, c'est-à-dire, elle n'a plus de bijoux sur elle, on lui a enlevé tous ses parures, toutes ses parures, tous ses bijoux. De même que, « at-ta'til », donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est de vider quelque chose, hein, d'enlever ce qu'il y a dedans. Et, qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on parle de ta'atil par rapport à ce qui est mentionné au sujet de Pharaon? On parle du fait de nier le créateur de cette création, de nier celui qui a créé cette création. C'est bon? طيب. Donc, c'est d'enlever, par rapport, d'enlever à ce monde son créateur. Ok? Et de nier qu'il y a un créateur pour ce monde. Comme si tu dis, par exemple, comme certains disent aujourd'hui et comme ils le disaient aussi avant, que ce monde-là, il est uniquement créé par rapport au, à la nature. C'est la nature qui a fait que ce monde-là existe. Et, yani, il est créé par hasard. Hein? Il est apparu, ce monde, cet univers, il est apparu à cause d'un Big Bang. Comme ils disent, certains athées aujourd'hui, certains matérialistes, c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Ils essaient de faire croire aux gens que ce monde n'a pas de créateur. Il est apparu tout seul. Hein? Il est venu par hasard, ok, et c'est le résultat d'une explosion qui s'appelle le Big Bang, ok, puis les éléments se sont mélangés ensemble, puis le résultat de tout ça, c'était le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, après des milliards, des milliards, des milliards d'années d'évolution, comme ils le prétendent. Mais bien entendu, tout ça, c'est tout à fait absurde et illogique, et il n'y a pas un être humain raisonnable, hein, et intelligent qui peut accepter ce genre d'idée-là. Pourquoi? Parce que, comme le chef il va l'expliquer par la suite, c'est clair que quelque chose ne peut pas exister sans qu'il a été créé par quelqu'un, hein, par quelque chose. Et n'importe qui aujourd'hui, hein, si il sort de chez lui, puis il trouve une voiture devant sa porte, et que quelqu'un lui dit cette voiture-là, personne ne l'a fabriquée, elle est là toute seule, est apparue toute seule, personne ne va le croire. Hein? Ou si on lui dit que l'ordinateur, il se lève et voit un ordinateur sur sa table, personne ne va croire que cet ordinateur, il était créé par lui-même et qu'il est apparu par hasard. Donc si c'est le cas pour une voiture ou pour un ordinateur, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet univers, hein, qui est beaucoup plus compliqué qu'un ordinateur? Et qui fonctionne à merveille. Donc ça fait des exemples. Et le cheikh il dit ici donc que qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est le fait de nier que ce monde a un créateur. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de ta'atil. Et le maître ou le chef des mu'attila, ceux qui nient Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Pharaon, le pharaon, ok. Et le cheikh il mentionne quelques versets justement à ce sujet-là, qui mentionnent les paroles et les exemples de Pharaon au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le verset 38 dans Surat al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ou il cite les paroles de Pharaon, quand il s'adresse à ses notables, il dit, ô vous les notables, c'est-à-dire les gens importants parmi ses ministres, ses conseillers, ainsi de suite, il dit, je ne connais pour vous aucune autre divinité que moi. Ça, c'est ce qu'il dit à ses notables et à ses ministres et à ceux qui sont autour de lui. Donc, le chef, il dit, il est en train de dire cette parole, Pharaon, mais en réalité, au fond de lui-même, Pharaon, il sait très bien que c'est faux. Il dit ça par orgueil, par arrogance et fierté, puisque dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils l'ont nié, ils ont nié ce que Moussa a ramené, mais au fond d'eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Hein? Ils savaient que c'était la vérité. Mais par fierté, par arrogance, il refusait de l'accepter. Et dans un autre verset, on voit l'orgueil et l'arrogance de Pharaon encore plus clairement lorsqu'il demande à son ministre ou à son bras droit, si on veut, celui qui était avec lui, qui s'appelait Haman, il lui demande de construire pour lui une tour ou bien un genre de moyen pour essayer de monter jusqu'aux cieux. Pour, il dit, construis-moi une échelle ou une tour, hein, pour que je puisse monter dans les cieux pour voir le Dieu de Moïse, hein, pour que je puisse le voir, pour que j'aille le rencontrer, et aller comme ça, je vais savoir que il a menti, hein, et je pense qu'il est un menteur. Donc, c'est pour montrer son orgueil, et son arrogance et sa fierté. Et il cite, ça c'est le verset 36 et 37 dans Surat Ghafir, et il mentionne également le verset 38 dans Surat Al-Qasas, qui mentionne la même chose. Donc ça c'est une forme de ta'dib, quand quelqu'un essaie de nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle ta'dib. Et aussi on peut utiliser le terme ta'dib, parce que là ça c'est un ta'dib absolu si on veut, la négation de l'existence elle-même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une forme de ta'dib qui est, si on veut, absolue, totale. Mais il y a d'autres formes de ta'dib qui sont les formes de ta'dib, si on veut, relatives. Hein, c'est-à-dire ceux qui nient certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vident ces noms et ces attributs-là de leur sens réel. Et ça, on appelle ça aussi une forme de ta'til également. Okay? Et donc, on peut dire qu'en fait, al-mu'attila, ce sont les athées aussi. Comme on disait hier à propos de al-ilhad. Al-ilhad aussi, c'est la même chose. C'est traduit, on traduit souvent l'athéisme par le mot ilhad, et la même chose pour ta'til aussi. D'accord? Et le cheikh, il dit, wal-fitar wal-uqul تدل على كذب هذا القول لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق ولا يوجد فعل بدون فاعل أبدا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ما أجابوا على شيء من هذا فلا هم خلقوا غيرهم ولا هم خلقوا أنفسهم ولم يوجدوا من غير خالق ولا بد أن يكون خالق وإذا كان هناك خالق هل هم هذا الخالق هل هم خلقوا أنفسهم هل أصنامهم خلقت شيئا من السماوات والأرض حاشا وكلا فالعقول والفطر تكذب هذا القول. Donc le cheikh explique que déjà à la base dans nos natures profondes, à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos cœurs, c'est quelque chose qui est déjà inscrit en nous-mêmes, du fait qu'on reconnaît qu'il y a un créateur et qu'il y a un maître à cet univers-là. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre fitra. C'est quelque chose qui fait partie de notre fitra, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés de cette façon-là, et ça, c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans notre âme. Hein? On le sait par instinct, au fond de nous-mêmes, on est conscient de ça. Quand quelqu'un, par exemple, dit à une autre personne, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, même un petit enfant, tu lui expliques que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, et que tu lui dis qu'il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, il n'a pas de difficulté à comprendre ça, parce que ça fait partie de son être, il l'accepte automatiquement, hein. Il l'accepte automatiquement parce que c'est quelque chose qui est naturel. Même celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, il reconnaît au fond de lui-même que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Mais il le nie par orgueil et par fierté ou par arrogance. Donc la vérité c'est qu'un vrai athée, un pur athée, qui ne croit pas en Dieu du tout, ça n'existe pas dans la réalité. La seule chose qui existe c'est quelqu'un qui nie avec sa bouche l'existence d'Allah. Par orgueil et par arrogance et par fierté. Mais un vrai athée qui ne croit pas du tout à Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, qui ne croit pas qu'il y a un créateur à cet univers, ça n'existe pas dans la réalité. Ok? Et donc, ça c'est très important de le comprendre. Et donc le cheikh il dit, parce que tout le monde, hein, toute personne qui a une fitra, et les gens qui ont une raison, tout le monde a une raison, lorsqu'il réfléchit, il sait très bien que de nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est faux, qui est un mensonge. Tu ne peux pas le nier. Et il dit pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir une créature sans qu'elle ait un créateur. C'est impossible qu'il existe une créature sans que cette créature-là ait un créateur. Et il ne peut pas y avoir une action, excepté qu'il y a quelque chose qui l'a causé. Il y a quelque chose qui l'a fait se produire cette action-là. Hein? Donc, il mentionne le verset 35 et 36 dans Surat At-Tur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Am khuliqu min ghayri shay'in » Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien, amhumul khaliqun, ou bien est-ce que ce sont eux-mêmes les créateurs, est-ce que c'est eux qui ont créé, am khalaqus samawati wal ard, ont-ils créé les cieux et la terre, bal la yuqinun, mais ils n'ont aucune certitude, hein, ils n'ont aucune conviction. Et le cheikh explique, il dit, ils n'ont pas été capables de répondre à aucune de ces questions-là. Hein? Et vous demandez aujourd'hui aux athées, hein? Aujourd'hui, ces questions-là, la même chose, ils ne peuvent pas répondre. Hein? Le cheikh, il dit, ils ne se sont pas créés eux-mêmes et ils n'ont pas créé les autres créatures autour d'eux. Hein? Ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Et ils n'ont pas été créés tout seuls, sans créateur. C'est impossible. Tu peux pas exister sans qu'il y ait un créateur qui t'ait créé. Donc, il faut absolument qu'il y ait un créateur. Et donc, s'il y a un créateur, est-ce que ce sont eux-mêmes les créateurs? Est-ce que ce sont eux-mêmes qui se sont créés? Ou bien est-ce qu'ils se sont créés, hein, comme on a dit, ou bien est-ce que ce sont leurs idoles qui les ont créés, ou qui ont créé quelque chose dans les cieux et sur la terre? Certes non. Hein? Et donc ça c'est très important de le comprendre. Même les idoles à l'époque, les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même les mushrikoun d'aujourd'hui, qui adorent des idoles, ou qui adorent des tombes, ou qui adorent des saints, ils savent, si tu leur poses la question, est-ce que ce sont ces idoles-là qui ont créé le monde? Est-ce que ce sont ces tombes et ces morts qui ont créé les cieux et la terre, ils savent que ce n'est pas ces choses-là qui ont créé quoi que ce soit dans l'univers. Hein, ils sont conscients de ça. Mais malgré ça, ils continuent à les adorer. Tu vois? Pourquoi? Parce que le shaitan les a séduits pour les faire tomber dans ce genre d'idolâtrie-là. Et ça, on en a parlé dans d'autres contextes, quand on a parlé des formes de shirk. Et ça, on va en reparler plus tard également. Donc, le cheikh, il dit, toute personne qui refuse d'accepter l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est une personne qui n'utilise pas sa raison et qui nie sa nature profonde. Hein? Donc, ça, c'est le point numéro 40. Maintenant, le point numéro 41, al-mas'alatul hadiya wal-arba'un, wasfullah bin-naqs. Donc le cheikh, il dit que le point 41, c'est parmi les exemples de la religion des gens de la Jahiliya, c'est qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala en lui attribuant des imperfections. Ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala des imperfections et des défauts, des faiblesses. Donc le cheikh, il mentionne donc les paroles de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. إذ نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. الشيخ il dit que les gens de la jahiliya, ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala des défauts et des faiblesses. Comme par exemple, ils lui attribuent un fils. Comme les chrétiens par exemple, ils attribuent un fils à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attribuent également à Allah subhanahu wa ta'ala des besoins, qu'il ait besoin de certaines choses. Ou bien la fatigue, comme les juifs par exemple, et les chrétiens qui disent que Dieu a créé les cieux et la terre en sept jours, non, en six jours, puis le septième jour, il s'est reposé. Les chrétiens et les juifs, ils disent ça, c'est écrit dans leur livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a nié ça. Il a mentionné dans plusieurs versets dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Créer les cieux et la terre, nous avons certes créé les cieux et la terre en six jours, et aucune fatigue ne nous a touchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nier et réfuter ce genre d'imperfection que les juifs et les chrétiens lui ont attribué. D'accord? Donc ça c'est l'exemple à ce sujet-là. Puis, également, ils ont attribué à Allah beaucoup de défauts et ils purifient leurs prêtres et leurs moines de ce genre de défauts-là. Donc, quand on parle de leurs prêtres et de leurs moines, ils refusent de leur attribuer ce genre de d'attributs. Mais ils acceptent de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, il va expliquer. Le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Il dit, النقائص ضد الكمالات. ونسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى هضم لربوبيته. وذلك كنسبة الولد إليه. لأن الوالد يحتاج إلى الولد وهو يشبهه. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. ومع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات، لأن هذا نقص في حقهم، فهم لا ينزهون الله عما ينزهون عنه رهبانهم. كذلك العرب كانوا يكرهون البنات وينسبونها إلى الله، فينسبون إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم، ويعتبرونه عيبا ونقصا، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ومما يذكر أن عالما من علماء المسلمين ذهب برسالة إلى أحد ملوك الروم، فلما دخل عليه قال له كيف الزوجة والأولاد؟ فغضب الحاضرون، كيف يصف رئيسهم بأن له زوجة وأولادا؟ فقال لهم رحمه الله أنتم تنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد وتنسبونها إلى الله عز وجل، ولا تنزهونه بذلك، ولا تنزهونه فبذلك أفحمهم وخصمهم بهذا وأخجلهم غاية الخجل. Donc, le Cheikh il l'explique. Il dit que quand on dit en arabe naqa'is, naqa'is c'est le pluriel de naqs. Et naqs c'est le contraire de la perfection. Naqs c'est le contraire de al-kamal. En arabe c'est la perfection. Donc, c'est les imperfections, les défauts, les faiblesses. Et donc, les gens de la jahiliya, ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala des faiblesses, des défauts, des caractéristiques humaines ou animales, ok, comme par exemple le fait d'avoir un fils, de se reproduire, des choses de ce genre, d'avoir une épouse, et ça c'est quelque chose qui vient détruire la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-rububiyya. Donc d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des imperfections et des défauts, c'est quelque chose qui est kufr, c'est quelque chose de grave. Donc, de lui attribuer des enfants, c'est de lui attribuer un défaut. Pourquoi? Parce que le père, celui qui a un enfant, il a besoin de son enfant. Et habituellement, son enfant lui ressemble. Donc, les Juifs ont commis cette faute-là, et cet exemple de kufr-là, en disant que Uzair était le fils d'Allah. Et si vous regardez dans la Bible, il y a plein d'hommes comme ça qui sont nommés fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et même les chrétiens qui utilisent certains passages de la Bible pour dire qu'il y a des endroits où ils mentionnent, par exemple, où ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Quand on retourne dans l'Ancien Testament, on retrouve plein d'endroits où ils mentionnent des hommes comme étant des fils de Dieu. Ok? Et donc ça c'est, déjà en partant, déjà ça voudrait dire pour les chrétiens un problème, puisque ils disent que Jésus est le fils unique de Dieu. Donc s'il est le fils unique, comment ça se fait qu'il a plein de fils dans la Bible? Ça c'est une contradiction déjà. Et il y en a d'autres qui disent non, les autres sont des fils, mais lui c'est un fils particulier soi-disant. Et le pire c'est qu'il y a d'autres fils, il y a d'autres qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament, et eux aussi sont qualifiés de fils uniques. Et même de premier-né, en tout cas, plein d'autres caractéristiques comme ça. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit complètement dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunnah de mentionner le terme fils à propos de Allah subhanahu wa ta'ala, ou fille, ou fils, ou d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala comme les chrétiens le font, de l'appeler le père, pour éliminer toute forme de shirk et toute forme de tashbih, entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. Toute forme de ressemblance entre Allah et sa création. Donc, il a rejeté complètement ce genre de choses, et c'est interdit hein, de le dire. Les chrétiens ont fait la même erreur, ils appellent Jésus, hein, Isa alayhi salam, ils l'appellent le Fils de Dieu. Et les Arabes, les mouchriquines arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient que les anges étaient les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on observe l'attitude de ces gens-là, les chrétiens et les Arabes idolâtres et les autres, on voit la contradiction apparente, puisque quand ils parlent de leurs prêtres et de leurs moines, ils refusent de dire qu'ils ont des épouses et des enfants. Un prêtre, il ne se marie pas, hein, en particulier les prêtres catholiques, ils ne se marient pas et ils n'ont pas d'enfants non plus. Et pour eux, c'est pas permis à aller. Et ils considèrent que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour un prêtre qu'il ait en même temps des enfants. Alors qu'en réalité, même dans leur propre livre, il n'y a rien qui interdit ça. Au contraire, leur livre incite hein, à se marier, à avoir des enfants. Mais ils ont inventé ça par eux-mêmes. C'est des lois que des hommes ont inventées, comme Paul, hein, c'est lui qui a ramené ces règles-là. Et une fois, il y avait un chrétien qui parlait à la radio, il disait, la raison pourquoi le prêtre ne peut pas se marier, c'est parce qu'il s'occupe de sa paroisse. Et donc, il est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de s'occuper de sa famille. Et je lui ai répondu à ce moment-là, quand il a dit ça, je lui ai dit, je n'ai pas répondu à lui directement, mais dans ma tête, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, subhanallah, le président du pays, il peut se marier, avoir des enfants et en même temps s'occuper d'un pays. Et le prêtre, lui, il n'a pas le temps de s'occuper d'une paroisse alors que c'est quelques coins de rue. Hein. Donc ça, c'est bien entendu, c'est pas logique, c'est pas un argument solide. Donc, ils se purifient eux-mêmes de ce genre de choses parce qu'ils considèrent le fait de se marier, d'avoir des enfants et d'avoir des rapports intimes avec notre épouse, eux, ils considèrent ça comme étant quelque chose qui est impur et qui rabaisse hein, l'homme. Et les femmes chrétiennes qui sont religieuses, elles aussi, elles ne se marient pas. Elles n'ont aucun rapport rapport charnel, même dans le mariage. Donc, ça c'est de l'extrémisme, c'est de l'exagération, mais quand même, c'est pour dire qu'ils se purifient eux-mêmes de ce genre de choses-là, et puis ils n'ont pas honte d'attribuer ce genre de choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour les Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils détestaient avoir des filles. Mais ils n'avaient pas honte d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des filles. Donc ils attribuaient à Allah ce qu'ils détestaient pour eux-mêmes. Alors qu'ils considéraient ça comme étant une imperfection et une honte, quelque chose de honteux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait allusion à ça, et il mentionne ça dans le verset 57, dans surat al-Nahl. Il dit, et il donne à Allah subhanahu wa ta'ala des filles, qu'ils soient purifiés et exaltés de ce genre d'attribution, hein, alors qu'eux-mêmes, ils s'attribuent ce qu'ils veulent. Hein. Et il dit, ensuite, le Cheikh al-Fawzan, qu'il y a un parmi les savants de l'islam qui est parti avec un message pour le donner à un des responsables des rois romains. Probablement que c'était un religieux, un prêtre, quelque chose comme ça. Et quand il est rentré chez lui, il lui a dit, comment vont la femme et les enfants? Alors les gens qui étaient là autour ont dit, mais hein, c'est quelque chose de... Ils se sont mis en colère, ils se sont fâchés. Comment ce savant musulman demande à cet homme religieux, à ce prêtre, comment va la femme et les enfants? Hein? Donc, c'est comme s'ils ont considéré que c'était une honte qu'on lui attribue une femme et des enfants. Alors, ce savant musulman a répondu en disant, comment ça se fait que vous vous purifiez, hein, et vous vous mettez en colère lorsque j'attribue à votre responsable, à votre chef, une femme et des enfants, alors que vous n'avez pas honte de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous vous purifiez de cette chose-là et vous l'attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en disant ça, il les a complètement grillés, ils avaient honte et ils ne savaient plus quoi répondre. Donc ça, c'est des exemples, des fois, des situations qui arrivent avec certains savants musulmans lorsqu'ils discutent avec des chrétiens. Des fois, même par des petits moyens comme ça, ils arrivent à faire passer le message et à faire une da'wa yani de cette manière-là. Et ça, c'est important des fois parce que on n'a pas cette habitude-là, ce réflexe. Lorsqu'on parle avec des juifs et des chrétiens ou à des athées ou autres, d'essayer de leur faire passer les messages et de les piquer là où ça fait mal dans leurs croyances qui sont fausses et qui sont contraires à la vérité, d'en profiter à chaque fois pour essayer de leur faire réfléchir sur leurs croyances religieuses et sur leurs fausses convictions. Non. Donc, le cheikh il mentionne ensuite comme point numéro 42, al-shirk fil mulk. Donc c'est le point 42, il dit al-shirk fil mulk ka qawl al-majus. Ka qawl al-majus. C'est-à-dire le shirk dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa création. Dans al-rububiyya si on veut. Donc il dit, Cheikh al-Fawzan il explique ça, il dit min masa'il ahl al-jahiliyya الشرك في الملك كقول المجوس منهم والمجوس طائفة من البشر في بلاد فارس يعبدون النيران ويقولون إن هذا الكون له خالقان النور والظلمة فالنور خلق الخير والظلمة خلق الشر ولهذا سموا بالثانوية وهذا شرك في الربوبية وفي مذهبهم جواز نكاح المحارم ومن مذهبهم الاشتراك في الأموال والزوجات فلا يرون لأحد تملكا خاصا فيشتركون في النساء ويشتركون في الأموال وعليه الشيوعية في الوقت الحاضر والاشتراكية وهذا مذهب باطل مناقض للأديان والفطر فخالق الكون واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد أباح الملكية الفردية وحرم نكاح المحارم. شيخ الفوزان il dit que parmi les exemples des religions de la jahiliya, il y a le shirk dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les gens qui font le shirk dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala en attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans son royaume et dans sa souveraineté. Et il donne l'exemple de la croyance des Majus. Les Majus, ce sont les Zoroastriens ou bien les Manichéens, on les appelle comme ça aussi, les Manichéens et les Zoroastriens. C'est un groupe de gens parmi les Perses. Avant la venue de l'islam en Perse, ils croyaient qu'il y avait deux créateurs dans le monde. La lumière et l'obscurité. Donc la lumière pour eux c'est un dieu, et les ténèbres, l'obscurité c'est un dieu. Et ils croient que la lumière a créé le bien, et les ténèbres ont créé le mal. Ok, et il y a un combat comme ça entre les deux, d'accord. Donc ça c'est la religion des Majus. Et même parmi les chrétiens aujourd'hui, il y a des gens qui croient comme ça. C'est-à-dire ils sont chrétiens mais ils ont la même compréhension que les Majus. Ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, c'est le créateur du bien, puis que le diable c'est le créateur du mal, puis qu'il y a une guerre entre les deux, puis qu'ils pensent que le diable c'est l'opposé contraire de Dieu. Aussi Dieu c'est le bon, puis le diable c'est le dieu du mais mauvais. Et ça bien entendu, il n'y a pas de doute que c'est totalement faux, puisque le shaitan, Iblis, c'est un djinn créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'a aucun pouvoir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une mauvaise conception que ces gens-là possèdent à propos de ça. Et donc le shaykh il dit que à cause de cette notion qu'ils ont de dualité, du créateur du bien et du créateur du mal, ils s'appellent aussi les dualistes, si on veut, ou bien as-sanawiyya, Al-Thanouiya, ou bien aussi on peut les appeler, comme je disais, les Manichéens. Et il y en a des fois comme ça, si je ne me trompe pas, il y en a des fois comme quand tu discutes avec eux et que tu leur expliques les choses, tu tranches les choses clairement, tu dis il y a les kuffars puis il y a les mu'minines, hein, tu divises le monde en kuffars et en mu'minines, ils disent ah, ça c'est du manichéisme, ou c'est comme si ils prétendent que tu es en train de couper le monde en deux comme s'il y avait juste le bon et le mauvais. Ils disent non, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, il n'y a pas juste le noir et le blanc, il y a plein de zones entre les deux. Mais souvent c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas compris, quand ils disent ça, ils n'ont pas compris la réalité de ce que signifie le kufr et de ce que signifie al-iman. Donc ils ne comprennent pas que tu ne peux pas être, c'est soit que tu es mu'min ou kafir, ou muslim ou mushrik, tu ne peux pas être entre les deux, d'accord, c'est soit un ou l'autre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est par rapport à ça. Ensuite le chef il dit, parmi les choses qu'ils ont dans leur religion, ces gens-là, les Zoroastriens, c'est qu'ils rendent licite le fait d'épouser les femmes de ta famille. Hein. Toutes les femmes sont permises à marier pour eux. La sœur, la mère, sans exception. Non seulement ça, donc ils permettent l'inceste. L'inceste est halal pour eux, dans leur religion. Et également, parmi les croyances qu'ils ont, c'est que tout appartient à tout le monde. Il n'y a rien qui appartient à quelqu'un en particulier. Ils partagent tout. Et parmi les choses qu'ils partagent, ils partagent même leurs biens, leur argent, et même leurs femmes. Donc quelqu'un peut pas dire ça, c'est à moi. Parce que c'est pas à toi, c'est à tout le monde. Tout le monde a le droit dans cette chose-là. Et même les femmes aussi, se partagent leurs femmes. Ok? Donc ça, ça fait partie de leur religion. Et ils ne croient pas à la propriété privée. Hein? Donc ils sont des socialistes, si on veut, dans ce sens-là, puisqu'ils croient que tout appartient à tout le monde. Même les femmes et même les biens. Et les communistes à l'époque actuelle, et les socialistes aussi, ils ont cette notion-là, que les biens et les richesses appartiennent à tout le monde, qu'il faut les partager, il faut redistribuer les richesses pour établir une certaine égalité entre tous les hommes, hein, ce qui est absolument utopique, hein, et contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné dans l'univers. Mais bon, le cheikh il dit ça, c'est une voie et une croyance qui est totalement fausse, en contradiction totale avec les religions et avec la nature de l'homme, hein, et il n'y a qu'un seul créateur pour cet univers, il est unique, c'est lui qui a tout créé, que ce soit perçu comme étant bien ou mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, et il n'a pas engendré, il n'est pas engendré lui-même, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et il n'y a rien qui lui est équivalent ou comparable. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis la propriété privée de posséder quelque chose, que ce soit à nous, et il a interdit le mariage de nos proches, hein, l'inceste, c'est interdit. Et par exemple, comme argument que certains musulmans, savants musulmans ont mentionné pour réfuter les socialistes, les gens qui niaient la propriété privée, et pour montrer que ça fait partie même de la nature humaine, hein, la notion de propriété privée, ils ont montré par exemple, ils ont montré l'exemple des petits-enfants quand ils jouent ensemble. Hein. Tu vois un enfant qui dit « Ah non, ça c'est à moi hein, !» Et ça c'est l'autre qui dit « Non, non, ça c'est à moi !» Donc c'est la preuve déjà que même, on leur a même pas enseigné ces choses-là et ces notions-là, mais ils les connaissent, ils savent que ils peuvent prendre quelque chose et se l'approprier et dire ça c'est à moi et c'est à eux. Hein? Donc, ça c'est la réfutation même de cette idée-là qu'ils ont, ces gens-là. Ensuite, le point numéro 43. Al-mas'alatu, al-salifatu wal-arba'un, juhuduhum liqadarillah. Le fait qu'ils nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ الذي القدر هو علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وتقديره لها جل وعلا قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ ثم خلقه لها والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الشيخ الذكر القدر la prédestination comme on dit en français ça signifie quoi ça signifie de croire en la connaissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala de toutes choses et de croire que il l'a prédestinée avant qu'elle existe et avant qu'elle se produise et il l'a mis par écrit ce qu'il a prédestiné il l'a écrit dans les tables préservées al-lawh al-mahfouz puis ensuite il l'a créé d'accord et donc de croire en ce pilier-là, ça fait partie de croire en un parmi les six piliers de la foi. Donc c'est un pilier de la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith qu'on appelle le hadith de Jibril. Hein, et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le cheikh, donc, il cite la partie du hadith où il y a l'énumération de ces six piliers. C'est, de croire en l'Iman, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, de croire au jour dernier et de croire en la prédestination de ce qui est bien ou mal. Ensuite, le cheikh dit وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَالْقَدَرُ مِنْ أَفْعَالِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي مُلْكِهِ إِلَّا وَقَدْ قَدَّرَهُ وَشَاءَهُ سُبْحَانَهُ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَلِمَ مَا كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير donc le cheikh il explique ensuite il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 49 dans surat al-Qamar, nous avons créé chaque chose dans une juste mesure. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Donc la prédestination, ça fait partie des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et ce qu'il a voulu. Donc il n'y a rien qui sort du pouvoir et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça s'est produit, c'est parce qu'il le voulait. S'il ne voulait pas, ça ne se serait pas produit. D'accord? Et il dit, le cheikh, ensuite que, ça signifie quoi? Ça signifie que premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a su ça. Il a su que cette chose-là allait se produire. Et donc, il dit ذلك أن الله علم ما كان وما يكون. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le passé et l'avenir. Il sait ce qui s'est passé dans le passé par rapport à nous et qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir. Et cette connaissance-là, il l'a toujours eue. C'est une connaissance qu'il a qui est éternelle. Et il est toujours qualifié par cet attribut-là. De connaître toute chose éternellement. Hein, éternellement, azalan ou abadan. Azalan dans le passé, éternellement dans le passé, et abadan, éternellement dans l'avenir. Thumma kataba dhalik. Ensuite, une fois qu'il l'a su, hein, on dit qu'il l'a su, maintenant, il faut croire qu'il l'a écrit dans les tables préservées. Il a écrit cette connaissance-là dans les tables préservées. Et ça, c'est mentionné dans le verset 22 dans Surat al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'y a rien qui vous touche, il n'y a rien qui vous touche sur la terre ou dans vos personnes, excepté que c'est dans un livre avant même qu'on l'ait créé, avant même que cet événement-là ait été créé. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait écrit dans un livre avant la création de cet événement-là et de cette chose-là. Et من قبل أن نبرأها نبرأها ça veut dire avant qu'on l'ait créé comme on dit que un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quoi c'est Al-Bari' que Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui a créé qui est le créateur et Al-Bari' ça veut dire celui qui crée à partir de rien hein? Donc, min qabli an nabra'aha, c'est-à-dire avant même qu'on l'ait créé à partir de rien. Et inna dhalika 'ala Allah yassir. Et ça, c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Et après, il dit, rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. Il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, un hadith qui est rapporté selon Ibn Abbas radiallahu anhu, rapporté par l'imam Ahmad, et qui est authentifié par Ahmad Shakir et Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Donc il dit dans ce hadith, sache que ce qui t'a atteint, ce qui t'a touché ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre, ne pouvait pas te toucher. S'il y a quelque chose qui t'est arrivé, soit bon ou mauvais, ça ne pouvait pas te manquer, tu ne pouvais pas t'en échapper. Et si ça t'a manqué, tu ne l'as pas eu, ça ne t'est pas arrivé, alors, si ça t'a manqué, alors, ça ne pouvait pas te toucher, ça ne pouvait pas t'atteindre, ça ne pouvait pas t'arriver. Et à la fin du hadith, il dit, la plume a été soulevée et l'encre a séché. D'accord? Donc, c'est-à-dire que cette chose-là, elle avait été écrite et la plume a été soulevée et l'encre a séché. Donc, il n'y a rien qui se produit excepté que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Cheikh, il dit, فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِئَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَحْصُلُ شَيْءٌ إلا والله خالقه الله خالق كل شيء خلق الخير وخلق الشر قدر الخير وقدر الشر وهذا ما يسمى مراتب الإيمان بالقدر. Donc le cheikh il dit, donc il n'y a rien qui se produit dans l'univers excepté que c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se produit dans l'univers, n'importe quoi, que ce soit les tremblements de terre, les ouragans, les tornades, les guerres, les bombes, n'importe quoi. Ou bien, peu importe, une fleur qui pousse, ou bien une feuille qui tombe d'un arbre, ou une goutte d'eau qui tombe des nuages, ou une fourmi qui marche à gauche ou à droite, que ce soit petit ou que ce soit grand, il n'y a rien qui se produit dans l'univers excepté que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu. Et s'il ne le veut pas, ça ne se produit pas. Et donc, tout ça, bien entendu, selon sa sagesse. Donc, le cheikh, il dit qu'il n'y a rien qui se produit excepté que Allah l'a voulu. Et si ça se produit, ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Allahu khaliqu kulli shay, c'est-à-dire Allah, c'est le créateur de toutes choses. Il a créé le bien, il a créé le mal. Il a prédestiné le bien, il a prédestiné le mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle les degrés de la foi en la prédestination. Et ça, c'est très important que chaque musulman ait bien compris ces quatre degrés de la prédestination, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, si on lui demande ces quatre degrés de la prédestination, il ne les connaît pas. Alors que ce sont des... Peut-être qu'il les connaît, par exemple, il les connaît du fait que c'est des choses qui font partie de la foi en la prédestination, mais il ne les connaît pas en ordre, et il ne les a pas mémorisés avec les preuves. Il les connaît comme ça, peut-être, si on lui pose la question, c'est quoi les quatre degrés de la prédestination, il va pas savoir c'est quoi les quatre degrés, peut-être qu'il les a pas appris comme ça. Il sait qu'il faut croire qu'Allah a tout créé. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, à connaissance de toutes choses. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se produit, c'est ce qu'il a voulu. Il sait que, donc, il connaît ces points-là, que tout ce qui arrive, c'est Allah l'a écrit. Il sait ça, mais il ne les connaît pas en ordre. Mais c'est bon de les connaître en ordre pour avoir une aqidah qui est claire et qui est plus solide. Comme ça, lorsque on te pose la question sur ces choses-là, tu sais quoi répondre et tu sais comment l'expliquer. Donc les quatre degrés de la prédestination, de la foi en la prédestination sont, si on veut résumer, comme le cheikh il les énumère et les explique, on peut les résumer comme ça. Al-ilm, al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, wal-khalq. Ça, c'est les quatre degrés de la prédestination. Si tu veux les résumer rapidement, que tu crois que tout est écrit, que plutôt que Allah, il sait tout, il a tout su, qu'il a tout écrit, tout ce qui arrive, c'est parce qu'il l'a voulu, et c'est lui qui a tout créé. Ça, c'est les quatre points. Le cheikh, il les énumère, il dit « Awwalan al-imanu bi anna Allah alima kulla shay ». Premièrement, c'est de croire que Allah, il a su toutes choses. Thaniyan, anna Allah kataba kulla shay fil lawh al-mahfouz. Deuxièmement, de croire que Allah a tout écrit dans les tables préservées. Thalithan, al-imanu bi anna Allah sha kulla shay'in yaqa'u fi hadha al-kawn. فلا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. Troisièmement, de croire que Allah سبحانه وتعالى a voulu tout ce qui se passe dans cet univers et dans cette création, et qu'il n'y a rien qui se produit dans l'univers excepté que c'est parce qu'il l'a voulu. Ok. Et le point numéro 4, الإيمان بأن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. De croire que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses et qu'il est garant de tout ce qui se produit dans l'univers. Donc ça, c'est les quatre degrés de la prédestination. Et bien entendu, il y a des preuves pour chacun de ces points-là et de ces degrés-là dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Le Cheikh dit « وَهَذَا هُوَ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ » Si quelqu'un, par exemple, il n'a pas bien compris ces quatre degrés, il n'a pas bien compris ces quatre degrés-là, sa foi en la prédestination n'est pas complète. Il n'a pas une croyance correcte en Al-Qadar. C'est obligatoire qu'il accepte ces quatre degrés-là. S'il n'a pas accepté un de ces quatre degrés dans la prédestination, il n'a pas encore cru correctement en la prédestination. D'accord? Et c'est très grave. C'est très grave parce que c'est un des piliers de la foi. Donc il faut bien le connaître, ce pilier-là, et bien le comprendre correctement. Sans rentrer dans les philosophies et dans les débats philosophiques que certains koufars ramènent à ce sujet-là, rentrer dans les débats philosophiques ou les questions qui dépassent les limites de qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces choses-là, ça c'est pas correct, parce qu'on peut pas comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, et connaître Allah subhanahu wa ta'ala complètement, puisque notre cerveau humain, il est trop petit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, il est beaucoup trop imparfait et limité pour essayer de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on vous a uniquement donné que très peu de science. Ça c'est à propos de quoi? Allah il dit dans le Coran à propos de ar-ruh, de l'âme. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Donc si Allah il dit à propos de l'âme que vous n'avez pas reçu assez de connaissances pour comprendre qu'est-ce que c'est l'âme, comment vous pensez que vous allez comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala et comment il fait les choses et comment il prédestine les choses? Donc il faut connaître sa limite et reconnaître sa limite. Mais sinon, il a expliqué et clarifié les fondements et les bases de la foi à la prédestination dans la révélation. Et si on se limite et on se tient fermement à ce qu'il nous a expliqué dans la révélation, on ne va pas s'égarer et on ne va pas dévier à ce sujet-là. Parce qu'il y a des groupes qui ont dévié par rapport à la prédestination, et ça, on va en parler, Inch'Allah, au cours prochain, Inch'Allah. Sinon, même peut-être aujourd'hui, si on a le temps. Le Cheikh, il dit donc, « هذا هو الإيمان بالقدر والجاهلية كانوا ينكرون القدر والدليل على ذلك ثلاث آيات في القرآن الأولى في سورة الأنعام فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وفي سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وفي سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. Donc le cheikh explique qu'il dit que ça c'est la foi à la prédestination qu'on vient d'expliquer, et que les gens de la Jahiliya, ils ne croyaient pas en la prédestination, ils niaient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ça, c'est dans trois versets dans le Coran. Le premier verset, c'est le verset 148 dans Surat al-An'am. Le deuxième verset, c'est le verset 35 dans Surat al-Nahl. Et le troisième verset, c'est le verset 20 dans Surat al-Zukhruf. Donc le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont fait le shirk, ceux qui ont commis le shirk, ils vont dire, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas fait de shirk, nous n'aurions pas adoré autre que Allah, ni nous-mêmes, ni nos ancêtres avant nous, et on n'aurait rien interdit, hein, parmi les choses qu'ils ont interdites par eux-mêmes, que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas interdit. Et le deuxième verset, c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont fait le shirk ont dit, si Allah avait voulu, on n'aurait rien adoré en dehors de lui. Si Allah avait voulu, on n'aurait rien adoré en dehors de lui, ni nous-mêmes, ni nos ancêtres. Et on n'aurait rien interdit en dehors de lui, on n'aurait pas interdit quoi que ce soit en dehors de ce qu'il a interdit. Et dans Surat Zukhruf, le verset 20, et ils ont dit, si Ar-Rahman aurait voulu, on ne les aurait pas adorés. C'est-à-dire, on n'aurait pas adoré les idoles et les anges et les djinns ou les shayatins ou toute autre chose que ces gens-là adoraient en dehors d'Allah. Donc ça, c'est des versets que les mouchriquins mentionnaient comme shubha pour essayer de dire que, yani, ils ne croyaient pas à la prédestination. C'est le temps. Donc on va s'arrêter maintenant, inshallah. Puis donc on va s'arrêter ici. Puis au prochain cours, on va continuer la suite, inshallah. Donc subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.